De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1. Et pour un avant-goût d'Halloween, on ne va pas parler de sorcières, ni de monstres ou d'araignées, mais de savants fous. Je ne sais pas comment vous vous déguiserez pour ce jeudi d'Halloween, mais parmi les déguisements classiques, il y a sans contredit celui du savant fou. Alors quelqu'un avec un sarrau, des lunettes, des cheveux en broussaille et quelques éprouvettes. Mais en fait, c'est quoi l'origine de cette image du scientifique fou et quel est son impact sur la perception que le public a de la science et des scientifiques? Alors, on va discuter de tout ça aujourd'hui avec Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au Cégep Garneau. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie. Alors, ce savant fou, c'est vrai qu'il est un peu omniprésent des fois dans certains films, hein. On en a tous une image. Oui, tout à fait. Ben, en fait, il y a une étude qui date quand même de 1989, là, mais qui a répertorié de 1931 à 1984 à peu près 1000 films d'horreur, puis sur ces 1000 films d'horreur-là, le tiers avait un personnage de savant fou à l'intérieur. Ah oui. Puis il y en avait seulement 11% qui avaient un scientifique qui n'était pas fou à l'intérieur. C'est comme qui un était passage plus obligé, il faut absolument un savant fou dans les films d'horreur. Oui, exactement, de préférence fou et avec tout le classique, des, comme tu disais, les cheveux en broussaille. Des lunettes rondes. Oui, exactement. Donc, puis il y a le vulgarisateur Carl Sagan, là, qui est très connu et qui avait dit à propos de cette image-là qu'elle hante notre monde des fous en blouse blanche, des émissions télévisées pour enfants du samedi matin jusqu'à la pléthore des pactes faustiens dans la culture populaire, du docteur Faust au docteur Frankenstein, en passant par le docteur Follamour et Jurassic Park. C'est comme toutes des classiques qu'ils nomment, mais oui, c'est ça, ça hante notre culture populaire, puis l'image de la science aussi. Donc, je trouvais que c'était un beau thème pour Halloween, de parler de cette image-là qu'on retrouve. Puis en fait, on le trouve même pas seulement dans les films d'horreur, le savant fou, dès lors qu'il est question des fois de science. Ben, je pense à un contexte, c'est pas forcément des bandes dessinées d'horreur, mais je pense au professeur Tournesol. Oui, tout à fait. Qui a la même image. Oui, c'est rare qu'on ait un scientifique qui a l'air complètement équilibré dans une émission de télé. Pourtant, des scientifiques équilibrés, je suis sûr que t'en as déjà côtoyé. On en connaît quelques-uns, là. C'est pas ce qui manque, mais quand on les présente à la télé dans une œuvre de fiction, ils sont rarement aussi équilibrés que dans la vraie vie. Et bon, au-delà du costume, en fait, comment on pourrait définir cette figure du scientifique fou? Ouais, ben le scientifique fou, c'est d'habitude, la plupart du temps, ça va être un homme. D'arriver dans certains cas où peut-être que ça peut être une femme, le scientifique fou, là, mais on voit souvent l'homme dans la fiction, qui va avoir une grande intelligence, souvent c'est une extraordinaire intelligence. On lui ajoute un petit peu de personnalité obsessive, puis finalement, on le place dans la poursuite d'un objectif scientifique qui va compter plus que toute autre chose, plus que la morale, les lois, l'éthique, etc. Donc ça, c'est comme les ingrédients de base pour créer le scientifique fou, ou du moins ce qui est comme personnage, puis ce qu'il y a comme motivation. Souvent, les histoires vont... en fiction, on utilise souvent la même histoire, mais on change les personnages. Là, c'est un peu comme l'histoire d'Adam et Ève, si on veut. Où est-ce que mettent en place des hommes qui recherchent un genre de savoir interdit, puis lorsqu'ils acquièrent le savoir interdit, ben ils font semer les graines de leur propre destruction. Puis on arrive à toujours à la morale qui est grosso modo, il y a des choses que l'homme est pas censé savoir. Ah oui, c'est le motif qui revient dans cette histoire-là, puis perpétuellement qu'on met en scène différemment, de façon originale parfois ou pas. Donc là, on a décrit ce savant, ce scientifique fou, on se le représente mieux. Ben, on va parler un petit peu de son histoire. C'est qui le coupable? Qui a créé cette image du scientifique fou et puis qui l'a finalement ancré dans notre imaginaire collectif? Souvent, on va placer l'origine du savant fou dans Frankenstein, là, comme la première œuvre où est-ce qu'il y a vraiment le scientifique fou qui est Victor Frankenstein. Ça a été écrit en 1818 par Mary Shelley. Faut savoir qu'elle a écrit ça, c'est surprenant, là, mais elle a écrit ça à commencer lorsqu'elle avait 18 ans à écrire Frankenstein. Ça a été publié quelques années après. Puis c'est, bon, l'histoire classique là, que à peu près tout le monde connaît, c'est un genre de scientifique qui va essayer de donner la vie à un être vivant en assemblant des morceaux d'humains. Dans le roman, à la base, on voit pas vraiment comment il arrive. Elle explique pas, Mary Shelley, comment le Victor Frankenstein va créer son monstre. Puis même le scientifique est pas présenté complètement comme fou, là. Il est vraiment plus obsédé par une idée. Mm-hmm. Puis après ça, il la rejette. Il va rejeter le monstre, puis ça va le poursuivre puis le détruire. Mais toutes les adaptations qui ont suivi de ce roman-là, qui était au départ théâtral, puis ensuite les adaptations cinématographiques, c'est ça qui va vraiment mettre en forme l'image qu'on a de Frankenstein aujourd'hui avec le scientifique fou et le monstre qu'on est habitué de voir. Ouais. Là. Fait que c'est oui, on peut mettre ça sur le dos de Mary Shelley et de son imaginaire dans Frankenstein, mais c'est aussi beaucoup quelque chose qui va apparaître par la suite. Mary Shelley va aussi beaucoup s'inspirer de quelque chose de beaucoup plus ancien qui est le mythe de Prométhée, qui est un mythe grec qui a son origine autour de 700 ans avant Jésus-Christ. Là, c'est une histoire ancienne. Puis ce mythe-là est intéressant. Il raconte, je le résume en 2-3 phrases, mm-hmm. mais en gros, c'est l'histoire de Prométhée qui va aller dérober le feu aux dieux mm-hmm. pour l'offrir aux humains. Pour leur permettre d'élever leurs conditions de vie. Le feu là-dedans, ça peut être vu comme une métaphore de la connaissance, de la science, du progrès qui va offrir aux humains pour les aider à améliorer leur vie. Quand il va s'apercevoir que Prométhée a volé le feu, le dieu des dieux, le Zeus, va être un peu en colère. Il va punir Prométhée en l'enchaînant sur rocher. Et puis ensuite, il y a un aigle qui va dévorer le foie de Prométhée, qui va venir à chaque jour dévorer le foie, puis le foie se renouvelle, puis l'aigle y revient après ça la journée suivante. Puis Prométhée reste enchaîné jusqu'à la nuit des temps sur son rocher à se faire dévorer le foie. Ouais. C'est Halloween, là, fait que on peut se dire des histoires comme ça. Ouais. Fait que ça, c'est le mythe de Prométhée. C'est un peu la même histoire, la même morale que Adam et Ève, là. Il y a des choses que l'humain ne devrait pas savoir ou mm-hmm. des choses comme ça. Il y a un danger à côtoyer la connaissance, si on veut. Puis c'est un peu l'histoire que Mary Shelley a voulu mettre en scène différemment avec son, mm-hmm. Son Frankenstein. Puis d'ailleurs, c'est le sous-titre de Frankenstein. Ça s'appelle « Le Prométhée moderne », le sous-titre mm-hmm. qui a été donné à ça. Mm-hmm. Donc, il existe des histoires que les gens se racontent avec ce genre de morale-là depuis très longtemps, mais une autre racine du scientifique fou, c'est dans la société victorienne, donc en Angleterre, dans les années 1800, à cette époque-là, il y a toute la théorie de l'évolution qui est discutée, débattue, toutes sortes d'hypothèses, parfois un peu troublantes, des idées dérangeantes qui vont émerger, des idées qui ont pas duré là, d'un point de vue de la science. Par exemple, il y avait la phrénologie où qu'aujourd'hui on qualifie de pseudo-science. Là, c'est pas vrai ce que ça a donné, tout ça, mais c'était l'idée selon laquelle la forme puis la taille du crâne d'une personne pouvait déterminer ses traits de personnalité. Ah oui. Donc, quelqu'un qui aurait eu une grosse tête aurait été plus intelligent. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a là des racines d'un scientifique qui aurait une grosse mm-hmm. tête avec ses cheveux et tout ça. Il y avait aussi, pour en nommer que quelques-uns des idées qui ont été influentes. Il y a Jacques Moreau, qui était un psychiatre français, qui a publié en 1859 « La psychologie morbide ». Ça, c'était mm-hmm. le titre de son essai. C'est probablement quelque chose qui a été assez influent et qui faisait l'association entre le génie et la folie. Pour Moreau, le génie, c'était comme une forme de névrose ou de trouble nerveux. C'était toujours associé, le génie, à quelque chose de un problème, une maladie, si on veut, mm-hmm. ou une dégénérescence en contrepartie. Donc, oui, on pouvait être génial, on pouvait avoir des idées géniales, mais ça venait avec des maladies mentales, de l'idiotie ou de la mélancolie qui était affectée. Qui venait avec. Donc, c'était comme quelque chose à double tranchant. Là. Si on avait de la créativité, de l'imagination, ben on était obligé d'avoir des déséquilibres nerveux, des afflictions, des choses comme ça. Donc, lui, il va mettre ça sous forme de théorie. Ça tient pas la route aujourd'hui d'un point de vue scientifique, faut le dire. Là. mais à l'époque, c'était influent, puis ça peut avoir semé des graines dans la tête de certaines personnes. Une personne, entre autres, qui a certainement été influencée par le docteur Jacques Moreau, là, le nom vous dit peut-être quelque chose dans l'île du docteur Moreau. Oui, l'île du docteur Moreau, qui est un roman publié par H.G. Wells. Ouais. Son personnage est peut-être inspiré, certainement en fait. Là, puis si vous vous souvenez de l'histoire, le docteur Moreau est sur son île et puis il crée c'est un généticien ou quelque chose comme ça, puis il crée des nouvelles créatures, mi-animales, mi-hommes, qui peuvent parler, de réfléchir et des choses comme ça. Donc, c'est un archétype là, du savant fou là, qui met en scène aussi. Puis il fait des choses que peut-être il ne devrait pas trop faire, mais il est sur une île. Oui, c'est ça, exactement. Mais cet auteur-là, H.G. Wells, c'est un grand auteur de science-fiction, là, probablement le plus grand de son époque, ben, t'sais, va avoir une influence énorme pour définir le savant fou. Là. C'est, s'il y a un coupable qu'on peut mettre t'sais, dans le tournant au début du 20e siècle, là, ces romans ont créé vraiment, ont eu un impact énorme sur l'imaginaire collectif. Parce que ça, là, c'est tous des exemples que tu nous as montrés, donc qui sont un peu historiques, mais aujourd'hui, ça persiste encore quand même, cette image du savant fou dans la culture populaire. Oui, ben attends, je ferai pas une énumération, là, mais dans la culture populaire, tu sais, on va penser à Stranger Things, qui est populaire, qui est semi-horreur, là, si on veut, mais il y en a des savants fous, il y a encore des scientifiques qui font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, qui libèrent le mal, et il y a des personnages torturés de scientifiques à travers tout ça, avec des sarraux, c'est le classique qu'on retrouve là-dedans. Et puis, allez voir par vous-même, chercher dans sur des plateformes de streaming dans de la science-fiction ou horreur. Et je suis sûr que dans chacune des séries, il y a quelque chose qu'on peut retrouver là-dedans. Là. Après, il y a ces savants fous qui ont été inventés, mais est-ce qu'il y a de vrais savants fous? Est-ce qu'il y a eu des vrais scientifiques fous ou est-ce que c'est seulement un mythe, un stéréotype? Ouais, ben c'est, il y a une large part de stéréotypes là-dedans. Comme je disais en début des chroniques, on connaît beaucoup de scientifiques qui ne sont pas fous, là, qui ont des vies très normales, voire plates et ordinaires. Là. J'ai quand même fait un genre de top 3 de scientifiques savants fous qui ont existé. Qui ont cette image quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut dire qu'il y en a eu, là, comme, tu sais, je veux dire, il y a de tout. Commençons par Giovanni Aldini, qui est un Italien qui est né en 1762. Aldini, c'est le neveu d'un scientifique un peu moins fou, mais qui s'appelle Luigi Galvani. Donc, Luigi Galvani, souvent associé à l'invention de la pile électrique. C'est le débat entre Galvani et Volta qui va donner l'invention de la pile électrique. Galvani faisait des tests sur l'électricité et les cuisses de grenouilles, toutes sortes de choses. Mais Aldini, qui est donc son neveu, lui va faire une expérience, entre autres, sur un certain George Forster, qui a été condamné à mort pour meurtre. Il avait tué apparemment sa femme et sa fille, quoique le procès était... J'ai lu un petit peu là-dessus, puis on n'est pas sûr si c'est vraiment lui qui aurait vraiment fait le meurtre. Mais bref, cette personne-là a été condamnée à mort, donc a été tuée. Et puis, Aldini a récupéré le cadavre pour faire une démonstration en public de l'effet de l'électricité sur les corps humains. En public, il a branché le corps sur des électrodes. Puis, à ce moment-là, il a montré que l'électricité pouvait, en partie, partie réanimer le corps. Ouais. Et puis, donc, un œil qui s'ouvre, un bras qui bouge. On peut faire ça avec des restes d'un humain et des électrodes branchées aux bons endroits parce qu'il y a des nerfs puis il reste des muscles qui peuvent encore se contracter. Ça a inspiré Mary Shelley, ça, pour son roman? Oui, tout à fait. En fait, c'est on est sûr que cette image-là l'aurait inspiré ou du moins aurait imaginé, aurait été un point de départ pour la création du roman. Donc, c'est un savant fou qui, si on veut, qui a eu une influence. Un autre qui est tout encore pire, là, si on veut, continuons, marchons la marche des savants fous de pire en pire, c'est Joseph Mengele, qui a été surnommé le docteur de la mort. Ouais. Lui, c'est assez connu aussi, là, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait des expérimentations pour l'Allemagne nazie, en fait. Il va s'intéresser surtout beaucoup à la génétique, puis essayer de prouver la supériorité de la race aryenne. Donc, il fait toutes sortes d'expérimentations, entre autres sur des enfants jumeaux. Puis, il les fait dans des camps de concentration. Puis, c'est souvent sans anesthésie, sans consentement, puis qui entraîne souffrance et décès en très grande partie. Ouais. C'est... des expériences folles, mais il n'avait peut-être pas le physique du savant fou avec les cheveux en bataille. Peut-être pas, il avait peut-être l'aspect... Non, c'est certainement bien pas... Bien soigné. C'est surtout l'espèce de quête de, à tout prix d'une idée scientifique qui vaut peut-être, qui vaut certainement pas la peine d'être conduite. Puis lui, à la fin de la guerre, il va s'enfuir en Amérique du Sud. Et donc, on ne l'a jamais jugé pour ses actes, entre autres. Puis avant de vous dire mon numéro 1, je voulais faire une mention honorable pour Albert Einstein dans Le Scientifique Fou, quoi qu'il n'était pas si fou que ça, là, dans le sens d'expérimentation troublante, il n'est pas là du tout, Einstein, même que il travaillait plus sur de la théorie, mais pour le physique, il est là avec les cheveux, va inspirer plusieurs scientifiques. Le physique, puis qui se permet de tirer la langue. Ouais, exactement, donc il fallait le nommer à quelque part. C'est ça, il a physiquement le stéréotype du savant fou, mais par contre, il a quand même toute sa tête. Oui, c'est ça, exactement. Il ne faut pas penser qu'il est sur le même niveau que les autres. Que mais c'est, je trouvais important de le nommer, mais justement pour montrer à quel point, bon, peut-être qu'il... On l'embarque dans cette classe-là souvent, mais pas au niveau de la personnalité ou du moins de sa quête. Un autre qui est épouvantable, après ça, j'arrête ma liste parce que sinon, on va c'est Halloween, mais faut pas pousser la note un peu trop. Mais Ilya Ivanovitch Ivanov, qui est un biologiste russe, lui, il a travaillé sur l'insémination artificielle, la génétique, au début du 20e siècle. Mais ce qui lui permet de se hisser dans la classe des scientifiques fous, c'est qu'il était en quête de créer une genre de super race mi-chimpanzé, mi-humaine, en inséminant du sperme humain avec des chimpanzés. Donc, essayer de faire un croisement, ça l'a jamais réussi apparemment. Puis, il y a beaucoup de trucs qu'on ne sait pas si c'est vrai, parce que ça s'est passé dans la Russie sous le régime de Staline, mais bref, beaucoup de choses sont sorties de son histoire à lui, puis ça le classe dans les bons scientifiques fous qui ont fait des choses. Mais il y en a un autre aussi qui est d'actualité, c'est parce que ça se passe en Russie aussi, pour la greffe de tête, il y avait un projet de greffe de tête. Oui, effectivement, j'ai pas le nom de la personne. Je me souviens plus, là, en tête, là, qui c'est qui faisait ça, mais ça date de quoi, peut-être, c'était avant la COVID? Ouais, c'est ça, j'ai... Pas mal fou aussi, on ne sait pas trop ce que c'est devenu cette histoire-là, mais il y a eu un projet comme ça. Oui, comme quoi qu'il y en a de toutes les époques et tous les styles, tout à fait. Ouais. Donc là, on a cette image du savant fou, elle est quand même loin de la réalité. En réalité, le ou la chercheur n'ont pas les cheveux en bataille, ils ne travaillent pas tout seuls, ils ont une équipe autour d'eux. Puis il n'a pas forcément un sarrau sur les épaules, le savant classique. Oui, c'est ça, le savant classique, c'est loin de l'image que la fiction donne. Il y a une raison à ça aussi, là, c'est que dans un film, si on regarde n'importe quelle profession, que ce soit un avocat ou un médecin, sera pas présenté comme si mm-hmm. c'était réaliste. Là, un médecin doit voir un médecin au cinéma, puis il va se dire que ça n'a aucun sens. Mm-hmm. C'est pas comme ça que c'est. Même chose pour toutes sortes de d'autres professions. Donc, c'est normal que pour le scientifique, il y a une image qui est un peu de distorsion dans cette image-là. Quoique, là, si on en arrive au scientifique fou, c'est quand même pas juste de la petite distorsion, là. C'est intense comme image. Puis, il faut penser aussi que la culture populaire a une énorme influence sur la perception que les gens vont se faire de la science. Je garde toujours un exemple en tête de ça, c'est Jurassic Park. Jurassic Park, qui est un film des années 90, que ce film-là ait été au cinéma, il y a plein de gens qui ont voulu devenir paléontologues, puis ils ont comme une génération de paléontologistes qui ont été influencés par ça. Donc, la culture populaire va avoir un rôle à jouer plus grand qu'on le pense sur le public, sur sa perception de la science. C'est important de cette image-là qu'on transmet à travers la culture populaire. S'il y a un film sur trois qui présente un scientifique qui est fou, c'est difficile de voir comment les gens peuvent se voir comme scientifiques ou comme des gens qui ont confiance en la science. Confiance en la science, c'est ça, ça donne pas... Donc, ça a un impact. Bon, on sait que c'est des fictions, que c'est pas la réalité, mais on se dit, bon, dans la fiction, ça vient toujours de quelque part. Puis, effectivement, ça donne pas une image de la science très glorieuse et ça peut... peut-être nuire à la confiance dans ce que font les scientifiques au labo. Oui, tout à fait. Puis peut-être une clé pour transformer cette image-là, c'est de créer des occasions de rencontre entre le public puis les scientifiques, faire parler autant que possible les scientifiques dans l'arène publique. Puis une initiative que j'ai trouvée particulièrement intéressante, ça s'appelle Draw a Scientist. On invitait des jeunes, des enfants à l'école à dessiner un scientifique, dessiner l'image d'un scientifique tel qu'ils percevaient. Ça a été fait avec tout plein de jeunes de plusieurs... Ça fait des décennies là, que cette initiative-là a été lancée. Puis bon, en général, vous l'essayerez, si vous avez des enfants, demandez-leur de dessiner un scientifique. Ça donne en général un sarrau, des cheveux en broussaille, des lunettes, puis une éprouvette. Ça donne le scientifique fou classique. Mais une fois que les jeunes avaient dessiné leur scientifique, on les invitait à aller visiter des vrais scientifiques sur leur lieu de travail, par exemple. J'avais lu sur des scientifiques qui avaient été visiter des écoliers qui avaient été visiter un accélérateur de particules avec les scientifiques qui travaillaient là. Puis une fois qu'ils ont fait cette visite-là, qu'ils ont discuté avec le scientifique, ils redemandent de dessiner un scientifique. Puis là, habituellement, les enfants vont dessiner quelqu'un comme toi ou moi là, avec une chemise, un chandail, qui est tout à fait normal, mais ça l'aide à démystifier justement le travail du scientifique chez les jeunes. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait avec des enfants. Si vous en avez à la maison, vous pourrez l'essayer. On peut voir les stéréotypes, les enfants qui n'ont pas vu tant de scientifiques que ça ou de choses à la télé, cette image-là est vraiment forte, le scientifique fou. Oui, effectivement. Mais en tout cas, on va voir comment vont se déguiser les scientifiques jeudi à Halloween, s'il y a des scientifiques fous ou s'il y a d'autres scientifiques. Oui, c'est ça. Moi, je recommande c'est peut-être un peu moins le fun comme costume, là, mais si vous voulez vous déguiser en scientifique, vous pouvez mettre une chemise carottée, des jeans, avoir un ordinateur dans la main, puis du café, avec beaucoup de café, un scientifique. Ah, beaucoup de café. Ça pourrait être le truc, puisque c'est à peu près l'image typique des scientifiques que je vois. Bref, ça fait moins fureur dans un party de costume, disons. Ouais. Très bien. Alors, merci beaucoup, Mathieu, pour cette visite du savant fou. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je rappelle que Mathieu Riopel est professeur de physique au Cégep Garneau.